tranquillement. Nous voici à nouveau réunis avec Tonaï afin de se retrouver pour parler d'une... pour parler, non, mais dans une mini-capsule. Voilà. Très bon ce départ. Pour échanger. Ouais. Autour une nouvelle fois d'un de ces groupes qui ne viendra... qui est déjà venu en fait. Merci. Qui eux ne viennent pas pour la première fois. Voilà, qui eux ne viennent pas pour la première fois, contrairement à l'émission classique où on ne parle que des groupes qui viennent pour la première fois. L'intérêt étant de montrer et de faire découvrir à Tonaï certains groupes qui... Ah, peut-être que celui-là, je pourrais bien l'aimer, vu que je le connais pas et que moi, j'étais par pas exemple, là la fois où vous en avez parlé. Ouais. Donc voilà, Tonaï, il est bien content. Il dit, oui, moi, je veux découvrir des groupes. J'en ai pas assez. 8, 9, ça me suffit pas. C'est clair. J'ai plein de temps. Allons-y, allons-o. Comme il dit toujours. Et donc, cette fois, dans cette nouvelle capsule, la sixième de mémoire, on va parler non pas d'un groupe, mais d'un chanteur. Un chanteur issu également d'un autre groupe qui se la joue solo, alors que son ancien groupe est toujours actif, et qui a comme pour particularité d'être lui aussi la deuxième voix de ce premier groupe, car il chantait également dans le premier groupe. Oui. Justement, j'allais te demander. T'allais me demander s'il chantait ? J'allais te demander si c'était le chanteur principal ou pas dans Alice in Chains. Il spoil pas les noms. Non, mais j'ai pas spoilé. Ah non, ça c'est ils ont pas fait le lien, les gens. Mais donc du coup, comme j'ai plus de mémoire, comment je peux, parce que là je vais te dire qu'on va parler d'un truc, ouais. Mais j'ai même pas lancé le générique. Donc, oui, mais en plus moi tout à l'heure tu parles, je fais, mais on a le droit de parler pendant le générique, c'est comment, c'est nous. Il y a pas encore de générique. Après toi t'es le chef, tu fais ce que tu veux quoi. Mais Est-ce que du coup tu lancerais pas le générique? C'est quel bouton? Non, il est pas fait le générique comme d'habitude. Tu sais. Ouais. Alors tout de suite à l'extrait. Ah non, c'est pas le générique là. Non, ça c'est l'extrait. Ouais. C'est le générique. Normalement, le générique. Alors, la dernière fois, toi t'as fait tam tam pendant le générique. Ah, la petite musique de voilà. Salle de pause. Ah bon. T'as pas de musique dans ta salle de pause à toi? Bah si, la radio, je crois. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Bah, toi, moi j'en ai pas, moi j'ai mis une oreillette en vrai. Bon bah attends, on va aller dans l'ordre tout de suite. Générique. Yeah, tout de suite. Et donc, comme vous avez pu l'entendre dans le générique, il y avait déjà un petit indice avec le mini extrait sonore, mais pour que vous soyez encore plus au fait de ce que nous allons parler, on va tout de suite parler de Jerry Cantrell. Évidemment. Et donc, il est difficile de parler de Jerry Cantrell sans évoquer le cas Alice in Chains. Évidemment. Car, comme on le sait maintenant, grâce à l'histoire de la musique, alors je tiens juste à préciser, je suis du matin, je suis un peu éclaté, donc peut-être que mes propos vont être bizarres. Ah, puis là, je t'ai réveillé un petit peu. Tu m'as pas réveillé, j'étais en train de faire un extrait. Ouais. Alice in Chains fait partie des quatre gros groupes, comme on appelle le Big Four of Seattle, de l'époque grunge de la fin des années 90, à savoir Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden et donc... Alice in Chains. Voilà. Et Jerry Cantrell en est son guitariste et doublement chanteur, parce que il était c'est pas lui le chanteur principal. C'est pas lui le chanteur principal. Le chanteur principal était donc Lainey Staley, qui est donc un chanteur torturé, sombre, qui a malheureusement péri des suites de beaucoup trop de prises d'héroïne. Aïe. Et apparemment, quand tu te renseignes un peu sur Alice in Chains, tu te rends compte que ce qu'ils ont fait, un live aussi, un unplugged à la manière de Nirvana, ouais. Et ce concert-là, tu vois qu'il était apparemment bien sous drogue, mais il n'empêche que le concert est incroyable apparemment. S'il était habité. Habité pris, même. Quoi. Et en fait, c'est le pour parler justement de l'unplug, c'est un concert, un événement qu'ils ont refusé plusieurs fois et ils sont décidés à le faire quand même, parce que l'histoire un peu d'Alice in Chains est particulière dans le sens où ils sont vraiment jamais arrêtés. Il y a un moment donné où ils ont juste arrêté de sortir des albums. Ouais. Et ils ont des tournées quand même et tout. Bah non, en fait, ça s'est plus ou moins stoppé sans vraiment s'arrêter. D'accord. J'ai eu une petite pause quoi. Bah un petit peu en sous-marin, il y a pas eu trop d'infos pendant cette pause ou. Bah en fait, si tu veux par exemple, ils ont commencé à alors faut pas que je me trompe. Ils ont sorti trois albums entre 90 et 95. Mm-hmm. Et à partir de là, bah, ça s'est plus ou moins arrêté sans que ce soit vraiment dit. C'est là que lui, Jerry Cantrell, pour pas arrêter de faire la musique, il s'est lancé dans une carrière en solo en disant okay. « bah moi, j'ai encore envie de faire de la musique ». Et il l'a fait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Lenny, il est mort. Enfin, pas Lenny, hein, Lenny Stanley, ouais. Il est mort, lui, en avril 2002. Ah oui, et le groupe, quand même. Et le groupe a repris après en 2009 avec un autre chanteur, William Duval. Voilà, c'est lui que j'ai vu. Voilà, et William Duval, lui, il est un peu plus en retrait que Jerry Cantrell au chant, en fait, tu vois. Okay. Il y a un peu une tendance qui s'est inversée. D'accord, okay. Au début d'Alice in Chains, il était seconde voix. Okay. Et maintenant, il est plutôt première voix. D'accord. D'où ma question un peu, parce que, bah, du coup, moi, je pensais que c'était lui le chanteur principal un peu, parce que j'ai pas trop capté cette histoire de chanteur. J'ai vu qu'il y en avait deux. Ouais. À partir de avec William là le dernier. Ouais. J'avais pas vu l'histoire d'avant. Ben en fait ce qui est marrant c'est que quand t'écoutes même du Jerry Cantrell, t'as un peu l'impression d'entendre de la façon de chanter d'Alice in Chains un peu la voix. Tu la reconnais et donc t'es pas surpris, tu pourrais dire que c'est lui mais ouais. Lenny Stanley, il avait vraiment une tessiture bien particulière, il pouvait changer de beaucoup d'octaves, enfin il avait vraiment une palette énorme et donc il peut faire beaucoup plus de choses. Il pouvait plus jouer de sa voix que Jerry Cantrell. Que Jerry Cantrell, il est toujours il chante un peu toujours de la même manière mais c'est surtout dans la ligne de chant, tu reconnais un peu la manière et qu'il chante un peu, tu vois, comme dans l'extrait que j'ai mis, on pourrait croire que c'est un peu du Alice in Chains par certains côtés. Et donc, du coup, le groupe existe toujours. Ouais. Et aujourd'hui, bah, Jerry Cantrell poursuit une double carrière, d'un côté avec Alice in Chains et William Duval, et de l'autre en solo, où il alterne un peu des sorties d'albums. Ouais. Du coup, Alice in Chains est déjà venu au Hellfest dans la version actuelle avec William Duval. Ouais. Et il est aussi devenu avec Jerry Cantrell en 2022 en tête d'affiche sous la vallée. Ouais, il était venu et dans ses chœurs, il avait je l'avais tout à l'heure, comment il s'appelle l'autre con merde. Ah, le vieux trou de mémoire. En plus je l'ai vu tout à l'heure dans l'extrait que j'ai fait parce que je suis parti d'un clip. Ouais. Et je l'ai vu dans le clip. Oui, je voyais dans le clip, il était en fond ce con. Cet énergumène là. Non, mais ça va. Ce sacripant. Avec Greg Puciato. Ah voilà. Putain. T'avais du temps à trouver celui-là. Ouais. Bah parce que j'ai ma mémoire. Bah, Quand je suis du matin, je suis effacé. Ouais. J'aurais pas dû faire de sieste en fait. De The Dillinger Escape Plan. D'accord. Et donc Greg Puciato était en train de faire les chœurs. En fait, quand j'ai été voir moi Jerry Cantrell sous la vallée parce que j'y étais, je dis oh putain c'est trop beau, c'est vachement bien. Et je vois un gars qui fait les chœurs, mais je capte pas tout de suite que c'est Greg Puciato. Ah ouais. Bah tu dis pas qu'il va venir faire les chœurs ce gars-là, tu dis que c'est un chanteur au premier plan. Ouais, et pourtant il est venu. Cool. Même si quand on l'appelle au VIP il répond pas, parce qu'il y avait Bob qui avait dit Greg, il avait pas répondu. Ouais. Il s'est dit c'était sûrement un autre Greg qu'on parle. Ce qui pourrait arriver. Hein. Mais donc il y a toute une période dans la carrière de Jerry qui est un peu mélangée sur ça, où il a fait plein de trucs entre deux. Par exemple, il a aussi participé à la BO de The Last Action Hero. Il a fait la. Ah oui, d'accord. Ouais, il a fait ça. Et, je sais pas toi ce que t'en as pensé, mais moi, c'est vraiment. Il a une voix, le gars. Ah, carrément. Il a une voix et il a une façon de faire les chansons qui. Il a une voix, il a un univers. Ouais. Ouais. Et qui passe trop bien, en fait. Moi, j'ai tout de suite adoré. C'est crème, ouais. Parce que j'ai découvert vraiment Jerry Cantrell, j'ai vraiment aimé écouter en 2022 quand ils sont venus pour le Hellfest et que j'en ai parlé. D'accord, ok. Ah ouais, tu. Bah, je connaissais. Voilà. Je le connaissais parce qu'en plus, il a participé à plein de trucs. J'avais écouté une chanson de là. Mais j'ai vraiment approfondi au moment de cette saison de Road to Hellfest et je suis tout de suite tombé amoureux de sa manière de chanter et tout. Ouais. Et j'ai eu très peur parce que quand je me suis beaucoup renseigné, en fait, j'ai vu qu'en live, il jouait les trois quarts du temps assis. Ah ouais? Ah ouais, ça m'a fait flipper. J'ai dit putain, ça me faisait pas envie, j'avais peur que de me faire chier quoi. Ah ouais, oui, c'est vrai que toi t'es un gars qui aime bien voir et bouger. Je m'attendais pas à ce que ça bouge énormément. Et en fait, au Hellfest, il a joué debout. Donc ça m'a rassuré et c'était super chouette. Okay. Et à l'époque c'était sous la vallée. Ouais, donc c'était mieux peut-être. Encore mieux. Ouais, ça c'était vraiment un très bon concert. Ouais. Et donc je ne sais pas si tu savais aussi, peut-être pas, mais il est surnommé le Riff Lord. Ça lui va bien. Ouais, parce qu'il est souvent considéré comme un très bon guitariste, alors que c'est pas forcément ce qu'on appellerait un guitariste soliste et tout ça. Mais en termes de. Pourtant, je crois que c'est pas. Il est soliste sur Alice in Chains. Aussi, il est aussi. Ouais. Il était reconnu comme ça, mais quand t'écoutes, c'est pas vraiment ça. Enfin, je dirais, c'est pas sa particularité non, première. Moi, je dirais que si, ça pourrait l'être, sa particularité, mais je crois qu'il recherche plus un petit peu le côté subtil, bah, nuancé, mélodie, vraiment, mettre, ouais, mélodique, voilà, ouais, carrément. Ouais. Il cherche pas à faire un truc, bah, comme les branleurs de manche, tu sais, ouais, envoyer des trucs de malade. C'est pour ça que je dis ça. Technique. C'est pour ça que dans ce sens-là, ouais. Il est tout à fait capable d'être soliste, parce qu'il a même un de ses solos qui a été reconnu, comme étant un des 100 meilleurs solos de l'histoire de la musique, tout ça. Bon, après, ça, c'est des trucs, ça, pas, et qui sont pas forcément des longs solos et tout ça. Il en est pas là. Mais lui, il est vraiment dans la composition de morceaux et d'atmosphère et d'ambiance. Ouais, et tu le sens. Ouais. Et du coup, ma question, elle va être, un, qu'est-ce que tu penses de Jerry Cantrell? Et deux, est-ce que tu n'as pas trouvé un petit peu que le dernier album était en deçà, de ce qu'on a pu entendre avant? Il est sorti en 2024. Et moi, il m'a un petit peu laissé de côté. Ouais, alors, je découvrais un peu. Dans un premier temps, j'en ai bouffé pas mal. J'ai écouté les trois premiers albums. D'ailleurs, ouais. Il y en a un des trois, c'est mon préféré sur tous. Ouais. Le dernier, après, je dirais peut-être en deçà parce que quand tu commences à bouffer du Jerry Cantrell, en écouter en masse, quoi, ouais. C'est sûr que le dernier album. Tu vois pas qu'il sorte d'une certaine zone de confort, par exemple, tu vois. Non, ça c'est sûr. Tu vois, il reste vraiment dans son univers. Mais il est aussi agréable que les autres. Oui, il est agréable, je dirais, mais il est un peu plus calme, un peu peut-être plus rock country par moment, toi, peut-être un petit peu moins grunge. Un peu moins rapide et tout. Ouais, c'est peut-être vrai, ouais, c'est vrai. Mais et du coup, j'ai aussi j'ai réécouté pas mal d'Alice in Chains. Je m'en doutais, je voulais en parler. Justement, je voulais voir un petit peu parce que tu sais, des fois on a vu des, par exemple, tu vois Till par exemple qui fait un truc solo et qui fait la même chose que ce qu'il fait avec son groupe, tu vois. Donc moi je voulais voir un peu un peu moins réussi selon moi, je trouve. Ouais, peut-être, mais ce que je veux dire c'est que voilà, il y a pas une recherche de nouveauté ou de proposer autre chose, tu vois, et que là on reste dans le même style un petit peu. Mais par contre, l'univers qu'il propose... Enfin, dans le même style. Non, oublie-le, lui, c'est... Mais il a vraiment sa patte, son univers, et puis, bah voilà, et puis sa façon de faire ses riffs et tout ça, c'est... Ça apporte quelque chose, quoi, de... Bah. En fait, ce qui est marrant, c'est déjà que lui continue dans une forme de grunge, alors que le grunge c'est plus trop d'actualité. Une forme, hein, je dis bien, parce que c'est vrai quand j'ai lu, parce que justement je regarde un peu, je dis, tu sais, j'aime bien aussi voir comment c'est nommé, parce que moi je suis encore pas, je peux pas tout de suite mettre une étiquette comme ça, voilà. Mais parce qu'en fait, j'ai vu rock garage, rock grunge garage, je sais plus. Ouais. J'ai pas trop su cerner pourquoi si c'était le bon nom après. C'est des fois une dénomination peut varier d'un truc. Par exemple, toi, tu appellerais ça plutôt comment si Moi, j'aurais plutôt classé ça dans du grunge directement, mais parce que moi, j'aurais tendance à classer large et à venir après peut-être développer dans les petites spécificités que tu peux retrouver à droite à gauche, mais en disant. Parce qu'en fait, il y a tellement de cases maintenant. Qu'être trop précis, je trouve que ça sert plus à rien. Oui, c'est sûr. Mais des fois, ça sert aussi un peu de repère. Je suis d'accord. Non, mais c'est pour ça que moi, c'est pour moi. Je suis d'accord. C'est pour ça que je suis toujours d'accord pour dire que les cases ne servent à rien, mais elles donnent un indicateur. Voilà, c'est ça. Tu vois, par exemple, quand on parle d'Alice in Chains en termes de grunge, c'est quand même un des grunge les plus sombres aussi, un peu plus lourd qu'il y avait que les autres, quoi. Il est plus marqué, je trouve. Ouais. Même si le grunge est toujours un petit peu triste, un petit peu empli de cette mélancolie, mais il y a un côté un peu plus lourd, je trouvais, chez Alice in Chains. Ah oui. Oui, bon. Que Jerry Cantrell, on est moins dans... On est un peu moins ça, on est un peu plus aérien. Plus aérien, ouais. On est plus dans le positif, il y a un petit groove qui est sympa. C'est jamais très rapide, par contre, c'est toujours assez... Moi, ouais, c'est ça, assez très, planant, voilà. Et c'est ça, c'est très, il est plutôt, justement, il est jamais dans l'énergie de l'énervement, ou quand ça se lève un petit peu, c'est au service de la mélodie qu'il a mis en place, pour venir complètement casser la chanson. Ouais, voilà, c'est ça, c'est plein de petites subtilités à droite, à gauche. Non, bonne découverte, franchement, moi, j'étais content. Tu vois, j'en ai bouffé pas mal. Mm. Et donc, je me rappelle plus le nom du deuxième album. Moi, vraiment, c'était l'album que j'ai surkiffé. Degradation Trip. Avec le bras. D'accord, ouais, ok. Ouais. Et puis, le premier album, trop bien aussi. Hein. Ah bah non, mais oui. Les deux premiers albums, je dirais, franchement... C'est les plus... Alors, le premier, surtout, de ce que j'avais lu, apparemment, il a mis beaucoup de temps. Il a dû s'isoler à un endroit pour le faire. Il est rentré dans tout un délire pour y arriver. Et puis, on était vraiment au moment où Alice in Chains cartonnait aussi, mais que c'était un peu... En fait, ce qu'Alice in Chains a fait que vraiment de ralentir pendant que... Après, quand tu me racontes ton histoire, et je me dis, est-ce que... Moi, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui s'emboîtent un petit peu, tu vois. Ouais, bien sûr, mais il y a une cohérence. L'autre, voilà, il y a une cohérence, quoi. Une cohérence, L'autre chanteur, tu sais, qui... Peut-être qui... qui partait déjà un petit peu, le groupe devait sentir, je sais pas trop, il a voulu faire son petit truc en solo. Ouais, non, c'est sûr, mais c'est pour ça que, du coup, logiquement, la question va se poser, mais Jerry Cantrell, du coup, tu vas le voir ? T'as envie d'aller le voir ? Ah ouais, grave envie d'aller le voir. Ouais. Même en Valais qui est extérieur ? Ouais, en plus, j'ai envie de te dire, il n'y a pas trop de barrières, d'heures, de... S'il fait nuit... Bon, ça serait peut-être mieux, je dis pas, tu sais, le soir... Mais franchement, moi, je vois pas vraiment de barrière à aller écouter ça en fin de matinée, en après-midi, sous ou pas sous la vallée. Après, pour te rassurer, c'est la tête d'affiche du dimanche. Ah ouais, d'accord. Donc la question, elle se pose pas. Ouais, ok. Donc, non, bah carrément, encore mieux, quoi. Mais dans tous les cas, ça aurait été oui. Hein. Ok. Ouais, dans tous les cas, ça aurait été oui. Bah écoute. Ça aurait pas été un immanquable non plus, parce que... Après, en termes d'émotion et tout, ça passe bien, tu vois. Mais après, j'irai sûrement en réécouter de temps en temps, mais voilà. Ça c'est surtout pas, que c'est vraiment le genre de truc que tu peux mettre passe-partout, tu gênes personne, les gens sont pas en train de dire « Ah, encore ta musique de merde ». Oui, alors par contre, oui, carrément. Voilà. Oui, ça c'est sûr que voilà. C'est plus facile en tout cas. Voilà. Et en plus, comme c'est de la qualité, bon, bah voilà. Carrément. Eh ben écoute, je te remercie pour cette première petite capsule. Très bien. Et pour ma part, bah, je pense que je t'accompagnerai volontiers. Après, c'est une tête d'affiche, donc faut pas qu'il y ait gros de trucs en face. Mais Jerry Cantrell, j'ai adoré, et là, ouais, je pourrais tout à fait le revoir. Et en plus, t'aimes bien Greg Puciato, toi. J'aime bien, mais il sera pas toujours là. Hein. Il sera pas toujours là. Mais j'aime bien. Mais la dernière fois en live, on avait un peu moins aimé quand il était en solo. Mais oui, bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, je ne sais plus comment on finissait ces capsules. Tu mets un petit extrait. Encore ? Mais non, je peux pas mettre deux extraits. Ah oui, c'est vrai, t'en as déjà mis un. Bah oui, je crois. Je suis bête. Donc ça s'arrête là, je crois. Ah, t'en as mis un pendant que je faisais la poum. Non, ça c'est le générique. Ça c'est le générique. Ouais, mais c'est nouveau. T'sais. Ouais, je comprends. Ouais. Du coup, on termine là. Oh ouais. Bon allez des bisous. Hein.